11h05, tout de suite, Panico mange un palace, Philippe Collin joue au docteur. Oui, exactement. Merci beaucoup Fleur Citruc, on vous retrouve à midi, c'est parti. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 47. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 8 octobre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es serment d'Hippocrate, tu es stéthoscope et toucher rectal, tu es toubib or not toubib, tu es malade imaginaire, tu es de garde et sans frontières, et tu es aussi... Quoi de neuf, docteur ? Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es médecin, malgré toi. Comme chacun sait, depuis 15 jours, nous sommes entrés dans l'automne. C'est donc le grand retour du rhume, des petites angines et des gastro-entercuites en attendant la grippe. Alors, à l'heure où tu vas sans doute, dans les semaines à venir, devoir poireauter dans la salle d'attente de ton médecin généraliste, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'ausculter en 53 minutes le monde merveilleux de la médecine. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton médecin. Pour commencer, de Galien, le fondateur de la science médicale, au docteur Petiot, le thérapeute aux remèdes radicaux, nous allons survoler les grandes figures de la médecine occidentale. Ensuite, nous nous intéresserons aux principaux spécialistes de la médecine que tu peux consulter tout au long de ta vie. On enchaînera justement sur une petite surprise de Benoît Poulvorde qui viendra nous préciser ce qu'est un véritable chirurgien esthétique. Et puis nous te dévoilerons le résultat des visites médicales qu'ont effectuées cette semaine nos différents leaders politiques pour obtenir un certificat de bonne santé en vue de la prochaine élection présidentielle. Et enfin, te raconter comment cet hypochondriaque de Jean-Claude s'est fait hospitaliser la semaine dernière au grand désespoir de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et danse nu sous ta blouse blanche. Let's celebrate. gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Celebration chante en 1980 le groupe R&B américain Kool & The Gang. Celebration parce que les études de médecine sont souvent ponctuées par de grosses fiestas. C'est certain, pour les célébrations, ils sont très forts, les carabins. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser aux médecins, ces hommes et ces femmes formidables qui, d'après Alphonse Allais, lorsqu'ils commettent une erreur, l'enterrent tout de suite. La science médicale est apparue dans l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui aussi, grand rebouteux. Mais c'est le fameux Hippocrate qui fit sortir la médecine de la superstition et de la magie. Pourtant, le véritable père de la médecine occidentale, c'est Galien, qui sévit au 2e siècle de notre ère. Médecin des gladiateurs, mais aussi des empereurs, le citoyen Galien est parmi les premiers à pratiquer des dissections animales à vocation non alimentaire. Il faut dire que les pratiques et les théories de Galien sont une vraie révolution à une époque où la médecine, c'est encore ça. Vite, j'ai mon gorgerin qui m'irrite le cou, là. Faut pas faire quelque chose ? Ah non, mais faut pas toucher, ça, laissez-le à l'air, ça va passer. Mais je croyais que les druides, ça soignait. Bah oui, on soigne, mais pas les irritations. Parce que... Bah c'est délicat, imaginez que ça s'envenime. Au bout d'un moment, il est vraiment druide, ce mec-là, ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con ? Mais non, les druides ne prennent personne pour des cons, en tout cas, pas plus que les médecins. Les écrits de Galien sont au cœur de la médecine médiévale et eurent une influence fondamentale jusqu'au 19e siècle, soit pendant plus de 1600 ans, c'est énorme. Cependant, après la Renaissance, avec les travaux de Vésale ou encore d'Ambroise Paré, les connaissances médicales et chirurgicales progressent considérablement. Cependant, le médecin reste encore un personnage dont l'efficacité, même à la cour du roi, n'est pas toujours reconnue. Écoute par exemple cette confession extraordinaire du médecin de Louis XIV. Vous en parlez franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qui vient de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Oh. Cela est plaisant. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir, s'ils peuvent. Et oui, comme disait Voltaire, les médecins se contentent de distraire le malade pendant que la nature le guérit. La vraie mutation dans la manière de soigner, c'est le 19e siècle avec la révolution des 3A, antiseptique, analgésique et anesthésie. Et puis, avec les immenses progrès de la chimie, on n'est plus malade comme avant. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments. J'en ai assez. M'enfiler des nuits dans le nez, dans les oreilles et dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras. J'ai les biceps comme des loups-gars. Je suis gentil, je suis bon, mais faut pas prendre pour un crétin. Et si un bon jour je m'énerve, je le dirai. Eh oui, au 19e siècle, tout s'accélère pour les médecins. Par exemple, l'Autrichien Semmelweis découvre qu'il est bon de se laver les mains entre une autopsie et un accouchement, tant qu'à faire, ou encore ce bon Louis Pasteur qui vaccine à tour de bras. Et puis, au 19e siècle, autre grand changement, des femmes deviennent médecins. La première femme médecin en France, c'est Madeleine Bresse en 1875, et nous, c'est à son mari que l'on pense. Celle que j'aime se destine à un très noble et beau métier. Chaque jour, à la faculté, elle prépare médecine. Mais la nuit, quand je la caresse, elle me chuchote à mi-voix. Sais-tu ce que j'ai sous les doigts quand ton corps sur le mien se presse? J'ai la sensation chaque nuit de suivre un cours d'anatomie. Avouez qu'elle n'est pas normale. D'autres ont des amours poésie, des amours bruts ou travestis. Je vis des amours médicales. Les amours médicales, c'est toujours plein de surprises. Mais chez les médecins, la plus belle histoire de cœur, elle a lieu en France en 1968. Voici Interactualité que présente André Lemas. Clovis Roblin, premier Français à recevoir un cœur neuf. Rappelons brièvement, Philippe Arouard, comment a été réalisée cette première transplantation cardiaque en France. Elle a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital de la Pitié, sous la direction du professeur Christian Cabrol. Nous avons utilisé la méthode Barnhart en ce qui concerne les sutures et les anastomoses. En ce qui concerne la préservation du cœur greffé, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Il y a toujours beaucoup de lyrisme quand un médecin parle du corps humain, car il ne faut pas croire, les médecins ne sont pas tous des humanistes. Remarque, ce n'est pas très grave. Tant que le médecin réussit à guérir toutes les petites douleurs de ses patients, tout va bien. Soyez témoins, il y a des toubibs efficaces. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Le docteur Petiot a tué une quantité de gens. Ses crimes se sont échelonnés sur un certain nombre d'années. Nous allons maintenant entendre M. Nézondet, qui a connu, je crois, le docteur Petiot bien avant la célèbre affaire Petiot. Ah oui, je l'ai connu il y a une trentaine d'années. C'était un très très bon camarade, très serviable. On avait beaucoup de plaisir à converser avec lui. Et alors, vous l'avez revu à Paris, où il s'était installé comme médecin. Je souffrais d'un mal de gorge, et alors j'étais allé le voir en qualité de client et d'ami. Et alors il m'a soigné, il m'a très bien soigné. Il était très serviable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est clair, il était très serviable, le docteur Petiot. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Petiot proposait à des juifs et aux personnes persécutées de les faire passer en Amérique. En fait, leur voyage se terminait dans la cave du docteur, transformée en chambre à gaz. Arrêté en 1944 par la Gestapo, suite à une plainte des voisins pour des odeurs suspectes, le docteur Petiot demanda expressément à être interrogé par des policiers français. Le criminel leur dit être un résistant et expliqua que les corps retrouvés chez lui étaient ceux de collabos et de nazis. Les policiers, crédules et patriotes, le libérèrent. Le docteur Petiot s'engagea ensuite dans les FFI, mais fut arrêté puis condamné à mort. En montant sur la guillotine, ses derniers mots furent pour ses gardiens, à qui il dit ceci, ce ne sera pas joli. Mégalo, lors de son procès à grand spectacle, il pensait sans doute qu'un jour, il serait une icône. Un jour je serai une icône. Une icône, baby, silicone. S'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby, costard trop petit, rien n'a sa place. J'ai le miroir qui a perdu ma trace. Je ressemble à rien, je ressemble qu'à moi. Pas vraiment bien dans ce film-là. Dans mes fanzines, je recherche mon faux air de Marilyn. Quelques détails pour être raccord. Il faut que je taille dans le décor. Un jour je serai une icône. Baby, silicone. S'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby. Un jour je serai une. Baby. Silicon Baby, c'est donc le diagnostic du jeune Babix, mais rien à voir avec Lolo Ferrari, le cauchemar de la chirurgie plastique. Alors, pour poursuivre notre auscultation de l'univers fascinant des médecins, après avoir survolé les grandes figures de la médecine occidentale, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux principaux spécialistes qu'il faut parfois consulter lorsque ta santé le réclame. Oui, il arrive parfois dans la vie que ton corps t'inquiète. Certains, par exemple, lors d'une banale visite médicale, apprennent qu'ils ont une tension artérielle un peu supérieure à la moyenne. Ça fout toujours la trouille. D'autres, alors qu'ils regardaient paisiblement la série Urgence à la télévision, se sont aperçus soudainement, aïe, qu'ils ressentaient une vive douleur intercostale. Et dans ces moments-là, comme chacun sait, les sentiments de solitude et d'angoisse sont terribles. D'autant qu'il se peut qu'un imbécile de ton entourage te propose alors, histoire soi-disant de te rassurer, de consulter le célèbre Larousse médical. C'est ainsi qu'un dimanche soir, après avoir feuilleté quelques pages, et surtout quelques photos de ce livre effroyable, tu es donc persuadé de développer 3 cancers en même temps. C'est pourquoi, lorsque ton corps t'inquiète et que ton médecin généraliste semble être impuissant à calmer tes angoisses, la seule solution valable, c'est bien sûr de consulter un spécialiste. Et ce, dès le plus jeune âge, si nécessaire. Quand une adolescente, par exemple, se plaint depuis plusieurs mois de ses règles douloureuses, il n'y a qu'une seule chose à lui dire, mais va donc voir un gynécologue. Mais va voir un gynécologue ? Mais j'ai 30 ans de voir un gérontologue déjà. J'ai déjà été en train d'aller le voir vu, lui. Tu sais, quand je suis en train d'aller le voir vu, il me dit « Bonjour, veuillez ôter votre culotte. » Après, il me dit « Ouais, je vais occulter votre vagin. » On a dit « Mais ça veut dire la teucha. » Je lui dis « Tu veux voir ma teucha, c'est ça ? Tu donnes 50 euros pour que tu vois ma teucha. Tu crois que c'est la semaine de la porte ouverte de la teucha ou quoi, là ?» Et oui, même si pour certains d'entre vous, il est encore difficile d'envisager que la vie professionnelle d'un gynécologue consiste à palper votre femme nue, il arrive parfois que ce ne soit pas si facile pour lui. D'ailleurs, être médecin spécialiste n'est jamais simple, quelle que soit la discipline choisie. Tiens, regarde le gastro-entérologue par exemple. Il y a des patientes, franchement... À moins que ce soit le suppositoire qui m'ait donné la diarrhée. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Répète un coup, ça te fera du bien. Comment ? Vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Ah, attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, madame Deluine, je vais voir. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, madame Deluine. Bien, pouvez-vous s'occuper de madame Deluine, s'il vous plaît ? Monsieur ! Mais pourquoi il m'a donné des préservatifs ? Ah, ça, madame, seul le gastro-entérologue le sait, c'est son boulot, faites-lui confiance. Et puis, être spécialiste en médecine, c'est aussi et surtout subir une pression constante sur ses épaules. Le patient, inquiet, réclame sans cesse des réponses. Est-ce grave ? Vais-je mourir ? Combien de temps me reste-t-il ? Tiens, regarde le professeur Laura, par exemple, cardiologue de son état, elle n'en peut plus de certains patients qui ne cessent de la harceler. Donc, si tu choisis dans la vie de devenir spécialiste en médecine, cela sous-entend à la fois la passion de soigner et de soulager la douleur des patients, mais aussi et surtout l'assurance de posséder des nerfs solides. Que dire alors des personnes qui choisissent la médecine d'urgence ? Pour devenir urgentiste, il faut savoir rester cool en toute occasion, surtout en extérieur, lors d'un accident. Bonjour mademoiselle. Bonjour docteur. Bonjour madame. Tu vois, c'est là, c'est le genou là. Oui, bah je vois bien ça. Ça n'aura pas l'air bien méchant, hein ? Alors ? Ah ! C'est là que vous avez mal, hein ? Bon, bah c'est rien du tout, c'est une petite luxation. On va vous remettre ça en place gentiment, puis ça va aller tout de suite mieux après, hein ? Vous êtes prête, mademoiselle ? Prête, docteur. Bah allez-y. Ah ! Vous n'avez rien senti ? Si ! Ça m'étonne. Ça m'étonne moi aussi, car en toutes circonstances, le médecin urgentiste ne doit jamais laisser transparaître le doute, puisqu'il est là pour rassurer les blessés, merde. Tout cela étant dit, il ne faut pas non plus tout exagérer. Hein. Certaines spécialités médicales sont tout de même beaucoup plus tranquilles que d'autres. Alors certes, anesthésiste, médecin légiste ou pneumologue, ok, c'est coton. Mais bon, quand tu deviens ophtalmo ou rhumatologue, voire médecin spécialiste du pied, franchement, c'est quand même pas violent. Voici venue l'époque des pieds nus, c'est pourquoi nous allons vous parler ce soir des quelques soins à leur donner. Un petit conseil d'abord pour celles qui ont à déplorer les méfaits de la transpiration. Notre amie Jacqueline va nous dire comment remédier à cet inconvénient. On prendra d'abord chaque matin un bain de pied prolongé dans l'eau tiède, additionné de quelques gouttes d'alcool à 90 degrés. On prendra la peine et le temps de s'essuyer les pieds très convenablement, puis on les poudrera avec la préparation suivante. Talc de Venise, 45 g, permanganate de potasse, 4 g, salicylate de soude, 2 g, et sunitrate de bismuth, 45 g. Très bien. Le soir, si les pieds sont fatigués après une journée de chaleur, un bon bain leur sera salutaire, suivi d'un massage avec une crème grasse. Merci, docteur. Et puis, souvenez-vous, mesdames, qu'il est préférable d'aller chez le pédicure une fois par mois au moins, plutôt que de soigner soi-même les corps qui font souffrir. Eh oui, merci, madame, de nous le rappeler. Il ne faut pas se soigner soi-même. Chaque partie du corps a son médecin spécialiste. Parce que si tu te soignes toi-même, tu ne t'en sors pas et tu deviens complètement fou. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dépine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur les spécialités médicales, comment ne pas évoquer ici l'une d'entre elles, sans doute d'ailleurs l'une des plus célèbres, la chirurgie. Et notamment le chirurgien esthétique, très à la mode en ce moment. Eh bien, le mieux, je crois, c'est d'écouter l'irrésistible Benoît Poulvorde nous en dresser le portrait. On découvre ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. En cette fin de XXe siècle, la chirurgie plastique est parvenue à un tel niveau d'efficacité que l'homme moderne peut à souhait corriger, voire transformer son apparence physique. En quelques heures, il peut littéralement changer le visage. Mais n'est-il pas présomptueux de défier de la sorte les lois de la nature ? Ah, présomptueux ! Vous n'êtes pas une connerie près, vous, Nicolas. Hein? Vous savez, nous autres chirurgiens, nous sommes au service de Dame Nature. Hein? Mais quand l'homme, ce bipède prétentieux, piétine ses lois, eh bien, c'est à nous qu'on fait appel pour réparer les dégâts, pour déchausser le vaniteux. Hein? Tenez, prenez mon ami Dick Rivière, là. Hein? Vous savez, le faux Elvis. Eh bien, est-ce par négligence, par distraction, par paresse, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'a jamais pris la peine en 20 ans d'ôter ses chaussons de rock'n'roll. Des Santiago. Montrez, Evelyne. Hein? Alors vous imaginez dans quel état, après 20 ans de scène et de gala, j'ai retrouvé ces misérables pieds. Hein? Regardez, le pied a littéralement fondu dans la godasse. Hein? Les ongles ont été mangés par la chair, hein? Littéralement. Regardez, et quand on ouvre comme ça, on voit bien le liquide séreux qui s'écoule des tissus tarés. Hein? Ah oui. Et ça sent la noisette. Hein? Et ça, c'est un vieux truc africain. Quand ça sent la noisette, égale pourriture. Hein? Hein, Carole, bon, allez, vous me tapez ça au labo, j'aimerais bien faire quelques analyses, Carole, d'accord? D'ici deux jours, je lui grefferai deux pieds tout neufs, hein? Ils sont arrivés du Brésil ce matin, deux petits pieds noirs. Oui. Si ça tombe, ce sont des petits pieds de footballeur, hein? Et alors Dick va pouvoir dribbler, jongler avec le ballon. Évidemment, ça ne remplacera jamais ses pieds d'origine, mais que voulez-vous? Hein? Oh. Jean-François Manhattan, j'écoute. Johnny, comment vas-tu, vieux bandit? Comment ça ta bouche a explosé? Mais tu as joué de la trompette? Mais je t'ai déjà... Bon, tu ne touches à rien. Tu ramasses les morceaux et tu ne touches à rien. Où es-tu? À Bercy? Bon, tu ne bouges pas, j'arrive. J'arrive, oui. Les urgences, toujours des urgences chez Manhattan. Évidemment, ces opérations sont un peu coûteuses, c'est vrai. Et on pourrait se demander parfois si ce n'est pas un peu futile. Hein? Ouais. J'avais d'ailleurs une amie qui me disait souvent... Jean-François, La vraie beauté, n'est-elle pas celle qui vient du cœur ? Je lui dis mon cul, ouais. C'est les moches qui disent ça. Ne laissez pas les autres être beaux à votre place. Hein ? Allez, à vous remercier, un bonsoir. I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. Not just me who feels it. Music plays a trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh. So I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays on my trick. Watch me forget about missing you. Mind Trick, c'est la prescription sur ordonnance de Jamie Cullum sur son album intitulé Catching Tales, qui signifie histoire contagieuse, mais bon là, aucun risque, ni vomissement, ni fièvre en vue, pas besoin de docteur donc. Alors pour continuer notre description clinique du monde merveilleux de la médecine, il est temps maintenant à 11h33 de te révéler cette décision incroyable, prise en secret par le Conseil constitutionnel en vue des prochaines élections présidentielles. En effet, hanté par le décès prématuré du président Pompidou, mais également par la souffrance que la maladie imposa au président Mitterrand, l'ensemble du Conseil constitutionnel a donc décidé d'imposer à tous les candidats à la prochaine élection présidentielle d'obtenir rapidement, en plus des 500 signatures obligatoires, un certificat médical de bonne santé nous attestant qu'ils pourront gouverner sans aucun souci. Donc, sous l'autorité de Pierre Mazaud, le Conseil des Sages a désigné un médecin indépendant, si on peut dire, rattaché à l'hôpital du Val-de-Grâce. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, les différents supposés candidats ont dû subir toute une batterie de tests médicaux. Et hier après-midi, le docteur en question devait recevoir une partie de ses patients pour établir un diagnostic. Le premier à vouloir se débarrasser de cette formalité fut bien sûr Nicolas Sarkozy. C'est donc à 17h15, avec ses résultats d'analyse sous le bras, que Nicolas s'est pointé au Val-de-Grâce. Cela dit, face au médecin, Nicolas Sarkozy semble tout à coup très inquiet. Ils vous ont pas téléphoné les résultats au laboratoire ? Non. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors ? Parce que la dernière fois, vous m'aviez affolé, docteur. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien. Si, si, pourquoi vous avez fait ? Vous voulez téléphoner chez la vallée pour leur demander s'ils se sont pas trompés pour les triglycérides et le cholestérol de monsieur. Parce que si c'est ça, moi. Eh oui. Quelques minutes plus tard, le labo confirme en effet que Nicolas Sarkozy a beaucoup trop de cholestérol et qu'en l'état, le médecin refuse de lui signer le fameux certificat médical. Donc, impossible d'être élu. Oh, c'est con. Fou de rage, Nicolas quitte alors le bureau du médecin et lui annonce méchamment qu'il aura bientôt de ses nouvelles. C'est alors qu'au même moment pénètre dans le bureau du toubib un Dominique Strauss-Kahn flamboyant. J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'esculape et le laisse baba. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté de rut, le rut, le rut, le rut. Le médecin constate donc que Strauss-Kahn est chaud bouillant et qu'il pète la forme. Pète la forme. Alors certes, il y a du mieux, mais il y a encore du boulot. Soulagé, Dominique se retire aussi vite qu'il est entré et au passage, le docteur en profite pour lui dire de passer le bonjour à madame. Au même moment, Nicolas Sarkozy, très énervé, donc, a déjà rejoint Patrick Devedjian, son fidèle lieutenant qui, lui, est très inquiet. « Mais comment va-t-on faire désormais sans ce foutu certificat médical, Nico ?» Mais Nicolas lui répond qu'à propos de ce médecin... « Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. » Alors que Sarkozy et Devedjian s'excitent comme des malades, c'est au tour de Dominique de Villepin de rencontrer le médecin. Dominique sait pertinemment que ses analyses médicales ne sont pas terribles. Mais il supplie le toubib. « Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors. » Le médecin confirme que Dominique de Villepin n'est pas au mieux de sa forme et que pour l'instant, il ne peut lui signer le certificat médical. Mais avec un traitement de cheval, lui dit-il, on pourrait envisager une rémission de cette nécrose qui gangrène sa popularité. Curieusement, donc, le médecin ne se veut pas alarmiste avec Dominique. Et ce docteur lui dit d'ailleurs qu'en réalité... « Nous avons plutôt tendance à prendre la vue tristement. Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. » Faire le zouave au pont de l'Alma? Dominique de Villepin se demande quand même si ce médecin n'est pas un charlatan. Mais bon, juste avant de partir, Dominique dit au toubib que juste derrière la porte, là, dans la salle d'attente, il y a président Chirac qui patiente. Mais que fait-il là? S'interroge le docteur. Dominique lui confesse qu'en réalité, président Chirac aimerait obtenir ce fameux certificat. On ne sait jamais. Au cas où. Et en plus, président Chirac est un peu souffrant. Le docteur ne peut refuser de recevoir président Chirac et le fait entrer dans son cabinet. De quoi souffrez-vous? Ah, attendez que je réfléchisse. Et voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais et ça me chatouille ben un peu aussi. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Menteur. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important. Très important. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Ben voyons, se dit le toubib. Pour commencer, il prescrit à président Chirac un peu de bicarbonate pour faciliter la digestion. En revanche, pour ce qui est du certificat médical, va falloir sacrément bosser, hein. Mais président Chirac lui répond immédiatement que... Amis médecins, Chirac vous aime passionnément. Chirac vous respecte, il augmentera vos honoraires de 500% et vous exonérera d'impôts pour 10 ans. Et il tombera malade 100 fois dans l'année pour arrondir vos fins de mois. Votez Chirac! Le médecin n'en peut plus de toutes ces conneries et demande à président Chirac d'aller se reposer un peu. D'autant que le toubib a rendez-vous dans une demi-heure avec sa dernière patiente de la journée, avec qui il doit dîner, dis donc. Oui, car en effet, Ségolène Royal a préféré l'inviter hors de l'hôpital pour évoquer ce fameux diagnostic à son égard. C'est ainsi qu'à 20h30, Ségolène est en compagnie du toubib. Savez-vous bien ce qui rend les médecins si rassurants ? En général, on leur accorde beaucoup trop de crédit. Ils ont toujours l'air tellement bien informés. Oh, c'est vrai. Les médecins en savent énormément. Sur toutes sortes de choses. Très cher, où exactement m'emmenez-vous ? Exactement. On va tout au bout de l'arc-en-ciel. Tout au bout de l'arc-en-ciel. Vous ne voulez pas aller tout au bout de l'arc-en-ciel ? Oh, je ne sais pas. Ça dépend un peu où c'est. Désolé, docteur, désolé de vous interrompre. Pourriez-vous avoir l'obligeance de m'accompagner ? Un service pour Monsieur Ziegler. Bien. Alors, avant d'avoir pris congé de Ségolène avec moult regrets, visiblement, un peu comme PPDA mercredi dernier à la télé, le docteur a tout de même pris soin de communiquer à Madame Royal son diagnostic. D'ailleurs, dans la foulée, Ségolène appelle immédiatement François Hollande pour lui en faire part. Allô ? Allô chérie ? Bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Que j'étais au bord de la dépression. Tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection. Donc, résultat des courses, personne hier soir n'avait encore réellement obtenu son certificat médical. Mais bon, comme chacun sait, la route est longue. Cela dit, seul Lionel Jospin, qui sortait d'une cure de repos de 5 ans, semblait a priori pouvoir prétendre à une forme olympique. Mais il a tellement attendu que ça l'a rendu malade et que pour l'instant, aujourd'hui, il est couché dans son lit. J'ai tellement attendu, ça m'a rendu malade alors. Aujourd'hui, dans mon lit, ce jour sans fin suffit. Je n'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me. Seulement que ça marche, sentir la peur avant que tu viennes. Danser avec ton ombre tout près. Ouvre les yeux et je tiens mon souffle. Ouais, j'en tremble. Si j'avais ta confiance, alors ce serait sans danger. Si seulement j'étais sûr. Ma tête sur ce mur, un rêve. Close to me, une magnifique reprise en français du tube des Cure par Mathieu Chédid en 1999. Parce que quand ton médecin te prescrit une cure, c'est rarement pour écouter du Robert Smith en anglais. Alors pour poursuivre notre visite médicale en direct du Mangin Palace, il est grand temps maintenant à 11h44 de retrouver nos deux internes, pas encore internés, les merveilleux Monique et Jean-Claude qui ont été confrontés le week-end dernier, au monde étrange des médecins. En effet, Jean-Claude, qui souffre d'une toux persistante, s'est rendu samedi dernier, accompagné de Monique, à l'hôpital pour passer une radio des poumons. Jean-Claude, il est hyper angoissé. Dans la salle d'attente du radiologue, Jean-Claude explique à Monique à quel point il est tendu. Je pense au pire et je transpire devant les panneaux don du sang. Appréhension du diagnostic, cirrhose du dos, mycose des dents. Il y a une très vieille grand-mère devant moi qui m'affiche un sourire édenté mais compatissant. Je suis sûr qu'elle sait que moi ça va pas. On sourit pas comme ça à quelqu'un en bonne santé, c'est évident. C'est évident, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, sur la radio des poumons de Jean-Claude, une étrange tache noire apparaît. Jean-Claude, il est extrêmement inquiet, malgré la présence de Monique, qui ne cesse de lui dire que, sans doute, ce n'est pas grave. Jean-Claude, il ne veut rien savoir, il attend avec impatience la visite du médecin, l'homme qui va peut-être lui sauver la vie. Et le voici, ce médecin, Jean-Claude est très admiratif. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens. Le médecin à la blouse blanche s'approche alors de Jean-Claude. Ce doit être un grand professeur car il est entouré de plusieurs jeunes gens, sans doute des internes. Jean-Claude demande au médecin s'il n'a pas un médicament pour le guérir de sa toux, mais surtout quelque chose de naturel. Hein. La réponse ne se fait pas attendre. Il y a des combines, hein, naturelles, bien sûr. Contre la toux, par exemple. Vous prenez un bon laxatif. Ben, vous osez plus tousser. Hein. Bien sûr. L'homme en blanc qui se fout de sa gueule. D'un coup, il n'est plus si sympathique aux yeux du Jean-Claude. Surtout que l'auscultation commence. Il enfile dans ma gorge une baguette en bois. Je sens bien qu'il me fait mal pour rien. Il me triture, il me torture, j'en ai marre. Il commence à me gonfler, c'est sûr. Il n'a pas l'air celui quand vient le moment fatidique. Celui de la sentence puis du diagnostic. En lisant son bidal, il fait l'amour. Une moue sceptique. Analyse complémentaire, prise de sang coronaire, radio des coronaires. Et en prime un voyage au scanner juste pour lui plaire. Ainsi, le médecin décide de faire des analyses complémentaires. Jean-Claude va donc passer la nuit à l'hôpital sous surveillance médicale. Monique reste le plus tard possible, mais il est déjà 21h et les visites sont terminées. C'est avec un peu d'appréhension que Monique quitte Jean-Claude tout en le rassurant. Qu'il passe une bonne nuit, elle sera là demain. Jean-Claude se retrouve donc seul dans son lit blanc. Comme il semble triste et angoissé, les infirmières le dorlotent, ce qui n'est pas sans lui déplaire. Mesdames les infirmières, je n'ai pas envie de lecture. J'ai assez de trois couvertures. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Et vous s'assure que j'ai trop bien trop de quatre oreillers. Et c'est donc sur quatre oreillers, dans les odeurs d'éther et accompagné des ronflements de son voisin de chambre, que Jean-Claude s'endort à l'hôpital. Cette nuit à l'hôpital fut assez bonne et le lendemain matin, c'est la visite du médecin qui réveille Jean-Claude. Alors, comment ça va-t-il ce matin ? On a la conforme, on a fait un gros dodo. Vous avez pris ses corticoïdes ce matin ? Bah, il faut les prendre, hein, sinon comment il veut faire dodo et être en pleine conforme ? Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors ah, par contre, ça, il faudrait peut-être m'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, il n'a pas encore touché. Et au revoir. Bon appétit. Bon. Bien. Là, on va faire tout de suite... Non, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Ah bon, ok. À la Sorbonne ? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Bien, cet après-midi. Jean-Claude se dit que... Tout de même, tout bip, ce n'est pas mal comme boulot, hein. Surtout qu'il y a dans le service quelques très jolies infirmières. Une tout particulièrement, la grande blonde qui vient toutes les heures lui prendre la température. Elle rentre dans la chambre comme dans un rêve. C'est elle qui me fait monter la fièvre. Je lui fais le coup du grand malade. Je lui fais le coup du chanteur de blues. Elle me dit ça marche pas, faux salade. M'en faut plus pour que j'enlève ma blouse. Je lui demande ce qu'elle porte en dessous. Et elle me répond rien du tout. Oh, elle me fera mourir, elle me fera mourir, elle me fera mourir, l'infirmière. Elle me fera mourir, c'est clair, Jean-Claude, il est tout émoustillé par cette infirmière par laquelle il aimerait beaucoup être réanimé. Et comme Jean-Claude lui fait du charme, l'infirmière lui demande quel est le nom de sa maladie et surtout où fait-elle mal. Jean-Claude lui répond que c'est... La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Les cheveux blonds, les cheveux gris. L'infirmière pense que Jean-Claude délire en évoquant le service pédiatrie et le service gérontologie. Sans trop comprendre, elle note la température du Jean-Claude et lui dit « Au revoir, à tout à l'heure pour un nouveau thermomètre ». Rien que d'imaginer que ce canon va revenir dans une heure, Jean-Claude, il est tout excité. Il faut que je tempère mon excitation. Oh, mais gars, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Des heures. Je lui ai mis la fièvre. Jean-Claude se dit qu'il ne peut pas attendre une heure pour revoir cette infirmière. Et puis, il se sent de plus en plus en forme. Alors, il décide d'errer dans les couloirs de l'hôpital à sa recherche. Et effectivement, il ne tarde pas à découvrir l'infirmière qui est en grande conversation avec le médecin de garde. Jean-Claude est totalement déçu par l'attitude volage de cette infirmière qui, tout compte fait, n'est pas si jolie. Jean-Claude s'approche alors du médecin à qui il demande les résultats de ses examens médicaux. Le praticien lui répond que tout va bien. La tache sur la radio des poumons, c'était simplement une saleté dans l'appareil. Le médecin entame tout de même un sermon sur l'hygiène de vie, mais il est vite interrompu par Jean-Claude. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'eau de Rukama? J'ai tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros à notre santé. Mais Jean-Claude ne termine pas son argumentation car il s'aperçoit soudainement que Monique est là, venue le récupérer. C'est donc le signe du départ de l'hôpital, fin de l'histoire. Jean-Claude, sans être malade, a donc eu droit à une grosse fièvre et après ce week-end à l'hôpital, Jean-Claude presse Monique car une nouvelle semaine commence, demain c'est lundi et il est déjà 8h. Regarde ta montre, il est déjà 8h, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Tu es à l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Love.